forme l'homme dans la poussière. De tes mains naît son histoire. Et dans ses narines tu déposes le souffle du Dieu de gloire. Le jardin devient sa demeure, un lieu de paix et de choix. Tu lui confies la terre et la vie sous le regard de ta loi. Nous ne sommes pas que matière, nous portons ton souffle en nous. Tu souffles la vie en nous et nos cœurs se lèvent vers toi. Tu souffles la vie en nous et notre poussière croît. Nous ne sommes pas seuls sur la terre, nous marchons portés par ton vent. Tu es l'origine de nos jours et le battement vivant du temps. Tu dis que l'homme n'est pas fait pour être seul. Tu crées l'autre dans l'amour. Et l'alliance naît dans la chair. Sous ton regard pour toujours, l'homme et la femme devant toi, sans honte et sans détour, unis dans ta création parfaite, avant la chute, avant la nuit, avant le jour. Tu souffles la vie. Ton souffle reste sur nous.